est 19h30 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous? Eh bien, moi, je suis ravi de vous retrouver après un mois de vacances. Vu les circonstances, vu ce climat anxiogène, bah, croyez-moi, ça fait beaucoup de bien. Bah, j'imagine qu'il en a été la même chose pour vous, parce que maintenant, bah, les vacances, c'est terminé. On a tous repris le chemin du boulot ou de l'école, voilà. Donc, je pense que 2 heures de métal, ça va nous requinquer pour repartir de plus belle. Donc, cette semaine, donc pour la reprise, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Quelques nouveautés, quand même, qui seront au nombre de 6, quand même. Bon, commencer assez fort, quand même, aussi. Et ben, par contre, cette année, ben, on vous parlera pas de festival, de concert ou quoi que ce soit, parce que pour l'instant, c'est toujours au point mort. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra se revoir dans une salle de concert. Enfin bon, ça, c'est à suivre. Et par contre, le mois d'août aussi a été, par contre, assez triste, puisqu'il y a quand même 3 de nos idoles qui sont partis. Et ouais, c'est vrai que je le dis régulièrement, j'en ai un petit peu assez qu'Electric Shock devienne une rubrique nécrologique. Mais bon, ça, je crois qu'il va falloir s'y faire, puisque tous ces groupes ont quand même souvent 40, voire 50 ans d'existence pour les pionniers. Donc, c'est l'ordre des choses. Donc, on fera un hommage donc à Pete Way, l'ancien bassiste de UFO. Il y aura également un hommage à Martin Birch, le légendaire producteur d'Iron Maiden, et également aussi à Frankie Banali, qui était le batteur de Quiet Riot, un groupe qui n'a pas fait long feu, mais qui a quand même marqué les esprits dans les années 80. Bon, tout ça, ça nous promet donc un programme bien chargé. Ah, puis j'oubliais aussi qu'il y aura la fin donc de l'interview que j'avais fait avec le groupe Duality au mois de juin dernier. On commence tout de suite, parce qu'on pose, on cause, mais vous avez peut-être envie d'écouter un peu de musique, ce qui serait tout à fait logique. On va se commencer donc avec un des coups de cœur de l'année, c'est-à-dire le 9e album de Trivium, des trashers américains de Trivium avec leur 9e album What the Dead Man Say. Et le morceau qui va commencer Electric Shock ce soir, en douceur, non, n'exagérons rien, mais bien péchu, c'est Catastrophiste. Catastrophe! catastrophist. You stole our innocence. J'imagine qu'après ça, il n'y a plus de cérumen au fond des oreilles et vous pouvez écouter à fond, parce que là, c'était bon. Trivium, avec un extrait de What the Dead Men Say, leur 9e album qui est vraiment fabuleux. Et je vous l'ai dit, ça, c'est un des coups de cœur de l'émission. On en reparlera s'il fallait faire un best-of de l'année 2020. C'est clair qu'il est dans le peloton de tête et c'était le morceau Catastrophiste. Je vous avais parlé que de quelques nouveautés. La suite, ça va être la première de la soirée. Et ça, si vous connaissez bien l'émission ou si vous me connaissez, vous n'allez pas être surpris si je vous dis que j'ai adoré l'album, puisqu'il s'agit du nouvel album de Deep Purple. Vous savez que je suis un grand fan, je dois avouer. Oui, d'ailleurs, je suis pas toujours très objectif quand on parle de tout ce qui est rapport à Purple. Mais il faut reconnaître que cet album, qui était quand même très attendu, puisque normalement il devait sortir au mois de juin, mais voilà la crise qu'il y a eu, le Covid, il a eu 2 mois de retard. Le voici, le voilà. Et la petite déception, par contre, c'est que Deep Purple devait être en tournée en France entre fin juin et début juillet. Et maintenant, c'est reporté à 2021, à suivre. Et je me faisais déjà une joie de les revoir une fois de plus. Enfin bref, on va attendre pour ça. Donc, Deep Purple nous a sorti un nouvel album, leur 21e, qui s'appelle Whoosh. Alors, est-ce que ce sera l'album testament? On sait pas. Enfin, toujours est-il que, moi, je trouve que le groupe, depuis qu'il se soit coquiné avec Bob Ezrin, il est devenu vraiment le 6e homme du groupe. Il a vraiment réussi à leur redonner pas un coup de jeune quelque part, mais a réussi à les faire renouveler un petit peu leur inspiration. Et Nawat en 2013 avait été une agréable surprise. Infinite était excellent aussi, l'effet de surprise en moins. Whoosh, c'est un petit peu le même cas de figure, même si je dois avouer qu'à la première écoute, j'ai trouvé ça bien, mais pas transcendant. Mais croyez-moi, au fur et à mesure des écoutes, on se fait vraiment à cet album magnifique, qui est vraiment très varié, beaucoup plus que les deux précédents. Il y a des morceaux de jazz, des morceaux un peu bizarres, enfin, tout ce qui fait le charme de Deep Purple. Ah, évidemment, si vous en êtes resté à Machine Head ou à In Rock, vous aurez peut-être du mal, mais enfin, moi je trouve qu'ils ont très très bien évolué. D'ailleurs, figure même aussi une petite relecture sympathique de l'instrumental And the Address, qui figurait sur le premier album qui était sorti, Shades of Deep Purple, sorti en 1968. Mais pour ce soir, c'est pas cet instrumental qu'on va se faire pour découvrir. C'est un morceau qui s'appelle Drop the Weapon. Puis aussi, je profite pour vous dire que si vous voulez vraiment la totale, il existe une version Digipack avec un DVD qui contient l'intégralité du concert du Hellfest 2017. Bon, on s'écoute Drop the Weapon? Bien sûr. Determined thing, you lose your right to choose. No way to No Place to Run, extrait de l'album du même nom sorti en 1980, album de UFO. Et ben ça, c'est un hommage donc à Pete Way, qui fut donc le bassiste de ce groupe légendaire entre 1969 et 1982, avant de revenir au milieu des années 90 et pour s'en aller du groupe pour une raison de santé à la fin des années 2000. Voilà. Donc Pete Way aussi, qui a été une grosse influence pour Steve Harris, et donc qui est décédé à l'âge de 69 ans le 14 août dernier. Et puis en même temps, le fait de passer cet album là aussi, c'est une raison aussi de faire un petit hommage aussi à Paul Chapman, qui fut guitariste de UFO entre 80 et 83 sur cet album, et qui était décédé là au mois de mai dernier. Et ça, j'ai appris ça il y a pas tellement longtemps, donc voilà, c'est l'occasion de faire un petit coucou, voilà, à ces gens là qu'on n'oubliera pas. Bon, maintenant, on va se mettre un petit peu de furieux, du méchant, du truc qui déchire tout. Et ben, on va pour ça un coup du live de Destruction, Born to Thrash, avec un morceau qui s'appelle Born to Perish. Ça vous va, ça? Bon, de toute façon, je pense que ça peut caler. Let's go. Matt Butcher et Born to Perish, donc deux extraits de Born to Flash de Destruction, et ça, croyez-moi, ça vous a décollé les tympans, c'est clair. Et si ça vous décolle les tympans, c'est que vous écoutez Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h30 et 21h30, Covid oblige. Eh bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, au début d'émission, on va revenir donc à la fin de l'interview que j'ai eu la chance de faire le 25 juin dernier avec le groupe Duality. Donc voilà, je vous laisse en leur compagnie. J'espère que j'ai bien calé. À l'étranger aussi. On a eu une chronique en Espagne, en Allemagne, en Hollande aussi. Du coup, c'était plutôt des bonnes européennes, ouais. Européennes. On n'a pas eu en dehors de l'Europe. Et du coup, on en parlait avec Elodie, qui est du coup notre manager, notre attaché de presse sur Duality. Et en fait, là, elle essaie de voir avec nous pour étendre un peu plus à l'étranger sur l'international. Ça serait bien, surtout qu'on s'aperçoit que pour notre plus grand plaisir, qu'on commence à avoir quelques fans à l'étranger. Qui nous font des retours ou qui achètent la totalité de notre discographie sur Belgium, aussi bien en Russie qu'en Grèce ou d'autres, mais voilà, c'est toujours des choses qui font plaisir quand on a un projet tel que le nôtre, et ça nous motive pour aller plus loin. Et vous avez déjà eu l'occasion de tourner à l'étranger déjà? On n'a pas eu l'occasion de tourner à l'étranger encore, mais on a hâte. On a hâte de le faire. Parce que souvent, une des réflexions qu'on se fait, le métal hexagonal, entre guillemets, reste confiné. Voilà, c'est vraiment l'objectif plutôt international. Après, bon, c'est déjà, on peut tourner dans les pays limitrophes à la France, donc ce sera déjà un premier point. Et aussi, comment en êtes-vous venu à travailler avec Elie Promotion? Ça, c'est pour Elodie. Eh bien, c'était bien Arnaud. Arnaud l'a fait essayer. Oui, non, c'est ça. C'était en fait via Arnaud, on a connu l'existence d'Elodie parce qu'on savait, on connaissait son travail. Et donc du coup, à travers Arnaud, du coup, on a pu contacter Elodie assez vite. On va revenir à l'album. Quel est le type de Lemons que vous préférez? Est-ce que c'est le même pour chacun d'entre vous, ou est-ce que vous avez un seul nom? Moi, je vais dire quand même Puppy Club parce que j'en cherche un, mais In the Sun est pas loin derrière. C'est une bonne question, ça dépend des jours, des d'une heure. J'ai posé la question et toi tu savais pas, ouais. C'était un petit... Oui, c'est pas chouette. Il a proposé... Pour moi c'est Fluffy Cloud aussi, ouais. C'est un morceau qui a quelque chose de... Vraiment, il se passe beaucoup de trucs dans le morceau et en même temps... Il est plus catchy pour moi. Il est catchy sans être dans l'abus du catchy du mainstream. C'est ça, catchy dans le bon sens. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de phases au sein du même morceau et ça fonctionne très bien, je trouve. Mais la fin de Il est agréable à jouer. Ouais, c'est plutôt une seule. La fin de In the Sun est quand même assez lumineuse et assez incroyable pour nous, parce que bon, voilà, on est dans une mélancolie, on a des choses plutôt sombres, et là on a quelque chose de lumineux qui est venu et qui dénote et qui sonne super. Vraiment, mon impression que j'ai eue, c'était en fait que le groupe était drivé par la batterie. J'ai l'impression que, ouais, quelque part, sans vouloir dire que les guitares ont pu s'en passer, mais j'ai l'impression que c'est la batterie qui mène le tout, et le chant derrière, et que les guitares derrière ne sont que des enluminures, ce qui n'enlève rien à l'ensemble, mais à la limite on enlèverait les guitares, on laisserait le chant et la batterie. On a l'ossature. C'est pas étonnant en soi. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que toi, tu te sers énormément de la batterie pour. Bien sûr, on a tous une. Toi aussi, tu pratiques de la batterie. Ouais. On a tous une. On est dans. Il y a quand même un côté progressif à Duality déjà. De base, ça veut dire rythme. Voilà, donc après on avait réfléchi déjà à Meshuga et qui composait la batterie en premier, ça veut pas dire qu'on fait ça toujours. On l'a fait, mais on le fait plus trop. Et d'où l'importance de la batterie dans le. Mais en tout cas, c'est vrai que la batterie est assez centrale, parce qu'il y a un raisonnement assez rythmique dans la musique. On arrive bientôt à la fin de l'interview, et une question que je pose régulièrement que j'interview, c'est comment est-ce que vous décririez Duality à quelqu'un qui ne connaît pas, si vous voulez le convaincre d'écouter? Quelqu'un qui connaît pas et qui écoute du métal. On le convainc pas spécialement, enfin je sais pas. Ça dépend de ce qu'il écoute. Alors si c'est quelqu'un qui écoute pas du métal, je dirais déjà qu'on a un groupe de métal pour que se prépare. Ouais. Préparer mentalement pour pas. Mais ça revient à décrire un peu notre identité musicale quelque part. Après, ouais. Après, quelqu'un qui écoute du métal, moi j'aurais tendance à dire qu'on est un groupe de métal moderne, prog, voilà, plutôt composé en mineur. Pour convaincre, moi je vais me rapprocher plutôt des paroles et du côté introspectif qu'il y a dans la musique. Oui, c'est vrai. Où chacun peut se retrouver, qu'il écoute du métal ou qu'il écoute autre chose. Voilà, chacun a vécu des galères, chacun a vécu des conflits intérieurs, chacun a vécu des sentiments, bons ou mauvais, et c'est ce qu'on trouve dans Vérité. C'est là qu'il peut ça, voilà, c'est ça que j'utiliserai pour convaincre. Il y a toujours des mélodies accrocheuses dans tous nos morceaux, dans tous nos morceaux, parce qu'on fait toujours en sorte de pouvoir chanter toutes les mélodies avant de les écrire, de manière à ce que ce soit sûr que ça puisse se retenir. Donc c'est une petite astuce qu'on a quand on compose. À partir de là, ça permet d'aller à l'essentiel. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a, voilà, il y a quand même de la mélodie dans Unity. Il y a du rythme, de la mélodie, de la mélancolie, des atmosphères, des ambiances. Parce que ce qui est clair, c'est que le genre musical que vous proposez, souvent on est tenté de faire des rythmes hyper complexes, souvent. Et quelque chose d'hyper technique, des fois n'est pas toujours spécialement évident à retenir, si ce n'est dire oh, putain, les gars, ça joue. C'est pas du tout notre volonté. On aime la technique, mais on veut que ce soit chantant. Et pas un digeste. Toujours au service de la compo, faut qu'on ait cette question là aussi. J'expliquais que c'est la compo dans l'ensemble qui pouvait être complexe et un peu technique. Mais c'est jamais technique individuellement. Par exemple, il y a jamais de solo dans le VFT, tu vois. C'est un peu technique, et là tu te dis, oh les enfants, ils ont dit que c'était un digeste. Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à intéresser quelque part un public qui d'habitude écoute une musique plus technique. Donc il y a aussi un intérêt là, et en même temps une musique des éditeurs qui ont peut-être des envies plus soft. Et donc on est un peu entre deux eaux, on est un peu mélangé dans les styles, et on est content de voir que ça peut plaire. Parce que par exemple, je viens de dire justement que tu jouais du jazz, oui. Et le jazz pour beaucoup de gens est perçu comme une musique qui s'intéresse qu'aux musiciens. Ouais. Souvent on a l'impression que ça ne parle qu'à des musiciens. C'est sûr, c'est une musique peut-être qui s'adresse plus à des gens qui ont une oreille pour entendre, entre guillemets, parce que voilà, il y a un travail d'harmonie. Le jazz est tellement vaste. Mais même en métal, il y a beaucoup de musique de niche aussi, et pour moi, des fois, il y a des ponts même en jazz, entre le jazz et le métal. Quand j'écoute certains trucs, ouais, c'est clair. Dans les motivations, parfois. Le jazz est typique aussi, quelque part. Aussi. Justement, parce que moi, je sais que des fois, quand j'écoute du jazz rock ou autre, des fois, je dis, c'est technique, c'est super bien joué, mais je peux pas chanter ça sous la douche, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que nous, c'est pas 4-4 droit tout le temps. Il y a un compromis, en fait. C'est un peu, ouais, c'est entre deux autres. C'est-à-dire que c'est pas technique. On écoute des choses hyper techniques, ultra balèzes et tout, mais c'est pas ce qu'on a envie de faire. Et en même temps, on veut pas faire un truc droit, hardcore, c'est entre les deux, quoi. Voilà. On est quand même amoureux de la mélodie. On aime la mélancolie, la mélodie, on comprend à la fois dans ce côté-là, comme dans ce côté, un côté bourrin, plus incisif, plus rythmique. On tente de surprendre de temps en temps. Voilà. Donc d'où le nom de l'amitié aussi. Ouais, quelque part. Mais à la base, c'était pas pensé forcément pour ça, mais finalement, comme une sorte de vérité. C'est vrai. C'est ça. Chacun donne sa définition et s'approprie le nom. Il y a de plusieurs rapports, quoi, entre le rapport atmosphérique, coin, ou champ clair, champ saturé, ou il y en a plusieurs. Et puis, la dernière question, c'est quelques mots pour les auditeurs d'Electric Shock, Film Radio. Rendez-vous au Metalhead Convention le 25 octobre. Exactement, à la Combat de la Villette. Si vous êtes chaud pour vous déplacer sur Paris. On compte sur vous et on sera content de vous voir là-bas. Merci les gars, j'espère qu'on Merci beaucoup. Voilà, donc c'était la fin de l'interview très sympa que j'ai eu la chance de faire avec les gars de Duality. Par contre, si vous avez envie de les voir à la convention qui était prévue du métal à la Villette le 25 octobre, ça a été annulé, raison sanitaire aussi. Donc à suivre, normalement c'est reporté donc à octobre 2021, ça aussi. Bon, est-ce que ça vous dirait que je vous emmène faire un petit tour en Suisse, retrouver les jolies Suissesses de Burning Witches et leur album Dance with the Devil? Je pense que oui, donc avec du pur métal, avec le morceau Lucid Nightmare. Come, my child. Come, look. Acid Nightmare et la petite intro The Incantation, extrait donc de Dance with the Devil, le troisième album des Suissesses de Burning Witches. Eh bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée, et ça, c'est la grosse nouveauté pour la rentrée 2020, c'est certain, puisqu'il s'agit du nouveau live de Metallica, le nouveau live symphonique de Metallica, le SNM 2, qui est donc tout chaud, tout bouillant, puisqu'il est sorti donc vendredi. Donc ce concert qui a été enregistré donc en septembre l'année dernière, on a eu l'occasion de le voir sur certains cinémas en France, dont ici donc à Orléans au Pathé. D'ailleurs, j'ai eu la chance de participer à la projection, parce qu'il n'y avait qu'une seule projection de ce concert. Et vraiment, j'avais été épaté. Donc c'est avec une certaine impatience que j'attendais la sortie de ce live. Alors il est disponible sous toutes les formes possibles et imaginables. Double CD plus DVD, quadruple vinyle, coffret vinyle plus CD plus DVD, et j'en passe, et des meilleurs. Ça, bien sûr, marketing oblige. Hein, quand on a un groupe comme Metallica, on sait que ça va vendre, donc c'est obligé. Ce qui m'a frappé dans ce Metallica, parce que bon, la première réaction, c'est de se dire, bon, c'est vrai qu'ils avaient déjà fait un album symphonique il y a 20 ans déjà. Alors là, est-ce que ça va apporter quelque chose, si ce n'est que bon, il y aura certainement des morceaux différents, puisque quand même Metallica a fait quelques albums depuis, c'est vrai. Mais en même temps, c'est surtout l'approche qui est quand même très différente, parce que sur le premier, l'initiative était plutôt due à Michael Kamen, le célèbre musicien, compositeur de musique de film, qui avait approché Metallica pour ça, et il avait travaillé sur des arrangements. Et quelque part, on avait plutôt l'impression d'avoir deux entités, Metallica d'un côté et le groupe qui accompagnait, et l'orchestre qui accompagnait le groupe. Et c'était pas gênant, loin de là, c'est pas ce que je veux dire, mais quelque part, on avait l'impression que ça se rencontrait pas vraiment, même s'il y a des moments que c'était sublime. Par exemple, vous prenez The Call of Cthulhu, Master of Puppets, puis d'autres morceaux, et à aucun moment ça n'était ridicule ou voire incongru. Mais quelque part, là, du coup, l'orchestre est vraiment intégré, puisqu'ils se répondent, il y a plein de choses. D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de regarder le DVD, donc je ne sais pas si c'est le même montage que la projection cinématographique qui a eu lieu l'année dernière, mais on voit bien qu'il y a plus d'échanges entre le groupe et l'orchestre. Enfin, c'est une autre approche, et puis d'autres morceaux différents. Donc vraiment, une très belle réussite. Ça valait le coup d'attendre 20 ans de plus pour refaire un truc aussi réussi. Donc on va se faire un extrait donc de ce SNM 2, et c'est un morceau de l'album Death Magnetic qui, je trouve, se passe particulièrement bien avec un orchestre. C'est The Day That Never Comes. We'll be right back. Qu'est-ce que je vous disais? Magnifique, n'est-ce pas? Déjà qu'à l'origine, ce morceau est superbe. Avec l'orchestre, ça le magnifie encore plus. C'était The Day That Never Comes, donc extrait du SNM 2, donc de Metallica, donc deuxième nouveauté de la soirée. Tiens, d'ailleurs, un petit détail pour vous montrer quand même, à mon avis, pourquoi l'orchestre est un peu plus intégré. Si vous avez le premier SNM, vous remarquerez que sur la tranche, il y a juste marqué Metallica, ok. Que sur celui-ci, il y a marqué Metallica and Symphony Orchestra aussi. Donc peut-être une volonté aussi de vouloir mieux intégrer l'orchestre, et c'est une très belle réussite. Eh bien maintenant, on va refaire un petit bond dans le temps. Je vais vous emmener en 1983, à l'époque où aux États-Unis, où le hard rock se réveillait enfin, avec le hard glam, avec Quiet Riot, parce que oui, bah c'est pour l'occasion de se donner faire un petit hommage donc à Frankie Banali, le génial batteur du groupe, qui est mort donc le 20 août dernier à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du pancréas. Alors Quiet Riot n'a pas fait une très longue carrière, même s'ils sont reformés à plusieurs reprises, etc. ou autre. Mais ils ont marqué quand même, parce qu'en fait, c'était vraiment le début d'une toute une vague, puisqu'après, il y a eu plein de groupes comme Motley Crue, Rat, etc., qui ont suivi. Et Quiet Riot, quand on l'écoute encore maintenant, ça reste encore pas mal. Donc, en hommage donc à Frankie Banali, extrait donc de Metal Hills, qui est à mon avis leur meilleur album, Breathless. Glad I'm Alive, ça c'est un titre inédit de Def Leppard issu des sessions de On From The Night et qui n'a pas été retenu pour l'album. Et ce Glad I'm Alive, ben, on peut le trouver sur le fabuleux coffret Early Years 79-81, sorti donc au printemps dernier, donc qui contient plein de raretés de l'époque, des extraits live, etc. Donc, et aussi un extrait du CD Too Many Jitterbugs, qui contient donc des morceaux inédits, des versions démo, les face B des singles de l'époque. Voilà. Juste avant, bah, c'était Quiet Riot avec un extrait de Metal Hills, leur premier album de 1983, et c'est le morceau Breathless, en hommage à leur batteur Funky Benali, qui nous a quittés le 14 août dernier. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée. Eh bien, ce groupe, je pense qu'il pourrait mériter le prix de la plus laide pochette de l'année, sans problème. Ce groupe s'appelle Toy Bloid, il existe depuis 2007. C'est un trio, ils sont deux nanas, une à la guitare, l'autre à la basse, toutes les deux au chant et un batteur. Et cette pochette nous montre deux mecs particulièrement laids en train de s'embrasser. Donc moi j'ai trouvé la pochette très drôle, franchement, surtout que l'album s'appelle Modern Love, donc ouais, pourquoi pas. Donc sinon, ce groupe, ils existent depuis 2007, ils ont tourné un peu partout, c'est leur deuxième album. Ils ont déjà eu l'occasion quand même de faire des très grosses premières parties, puisque en fait, compte, ils ont joué au Stade de France en première partie d'Indochine. Il faut dire que la guitariste chanteuse n'est autre que la nièce de Stéphane Sirkis, donc ça aide aussi. Mais le groupe n'a pas grand-chose à voir avec l'illustre tonton, puisque le groupe est quand même un mélange de pop, de rock, de punk et de métal. Donc quand même assez éloigné quand même de ce qu'est Indochine. Donc on va découvrir ce Modern Love avec le morceau de ce soir, c'est qui est Diamonds. Where are you when I need you? c'était In This Moment avec As Above So Below de l'album Mother. Et juste avant, en nouveauté, la troisième de la soirée, c'était les Parisiens de Toy Blood avec leur deuxième album Modern Love et le morceau Diamonds. Et ben, on va revenir à un album qui est sorti déjà il y a un petit moment et dont on a fait passer quelques extraits. C'est l'album de Conscience, groupe de métal progressif qui s'appelle In the Solace of Arms Way. Et on va se faire un petit morceau sympa qui s'appelle At Night. We'll be right back. Conscience, et le morceau At Night et sa petite intro In the Solace of Arms Way Part 1, extrait donc de l'album In the Solace of Arms Way. Donc si vous aimez Dream Theater, ce genre de groupe, vous devez adorer. Il est 20h51 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Je vous rappelle les nouveaux horaires d'Electric Shock Covid oblige, le mardi soir 19h30, 21h30, et on va se faire encore une nouveauté, la quatrième de la soirée, avec un nouveau live de Blue Oyster Cult, le quatrième depuis le mois de janvier. Vous allez me dire, waouh, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que la légende américaine nous a resté presque 20 ans sans sortir quoi que ce soit. Et là, il se rattrape, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu donc le Hard Rock Live Cleveland 2014 en mois de janvier, dont on avait passé pas mal d'extraits. Juste avant le confinement, on a eu l'album 40th Anniversary Agents of Fortune, donc un concert de 2016 joué dans un studio de télé devant... juste des techniciens, malheureusement. J'aurais bien aimé vraiment un véritable concert où le groupe nous jouait l'intégralité de son album le plus connu, Agents of Fortune. Un autre live au mois de juin pour leurs 40 ans de carrière, enregistré à New York en 2012. Petite déception de ce live, par contre, parce que bon, le cadre est sympa, un club intimiste, seulement très peu de rareté, un concert classique malgré tout très bien joué. Et là, un nouvel album pour leur 45e anniversaire, enregistré donc en 2017 à Londres, qui s'intitule 45th Anniversary Live in London. Et là, ils en ont profité pour revisiter leur premier album dans son intégralité. Donc ça nous permet de réécouter des morceaux qui n'ont peut-être plus été joués depuis très très longtemps, comme par exemple ce Workshop of Telescopes. To the workshop of telescope. Redeem et Workshop of Telescopes sont deux extraits du 45th Anniversary Live in London, donc sorti début août. Voilà, et d'ailleurs si vous aimez Blue Oyster Cult, ben, début octobre, vous en allez avoir un véritable album studio, le premier en 19 ans. Et les 21h tourneront sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Electric Shock. Et là, tous les mardis soirs, entre 19h30 et 21h30. Et je vous offre l'apéro. Eh ben, allons-y pour un apéro avec Boisson Divine, le groupe Gascon, dont je vous ai déjà passé pas mal d'extraits depuis la sortie de cet album fin mai, qui a été vraiment aussi un des coups de cœur d'Electric Shock depuis ce début d'année. Et ben, donc mélange de métal, de folk, de plein de choses. Et bien ce soir, donc extrait de la Hala, ils vont nous parler de la Libertat. Калуша Magodeos avec La Conquista, extrait donc de l'album Gaia, sorti en 2003. Et juste avant, ben à la bonne vôtre, c'était Boisson Divine et leur troisième album La Hala et le morceau Libertat. Eh bien, on va se faire la cinquième nouveauté de la soirée avec le troisième et nouvel album du groupe américano-suédois Blues Pills. Il s'appelle Holy Moly, il est sorti fin août. Alors, Blues Pills nous avait laissé un petit peu en plan avec son Lady in Gold, même s'il qui nous révélait une facette un peu plus soul. Et depuis, ben, le groupe n'avait guère donné de nouvelles, si ce n'est que, ben, entre-temps, on a appris que le guitariste Damien Sorio était parti. Bon, voilà. Du coup, c'est le bassiste qui se charge de la guitare. Bon, finalement, au final, on ne perd pas au change. Par contre, je suis un petit peu déçu parce que, bon, c'est vrai que cet album, Holy Moly, n'est pas mauvais, loin de là. Mais c'est un petit peu un retour à ce qui se faisait sur le premier album. Du coup, il n'y a plus l'effet de surprise tant que ça. Mais malgré tout, ça reste du rock solide, très 70s, toujours aussi inspiré par Janis Joplin et la musique de cette époque-là. Ça, là-dessus, il n'y a pas photo. D'ailleurs, on va y aller tout de suite avec un morceau qui s'appelle « Dust ». To keep locked inside, 'cause no one should never deny or know our worth. Inside, 'cause no one should never deny or know our words. extrait de Deep Blue, le premier album solo de Louise Patricia Crane, la chanteuse du groupe Eden House. Juste avant, c'était Blue Spill, c'est leur troisième album Holy Moly, et c'était le morceau Dust, et c'était donc une des nouveautés de la semaine, la cinquième de la soirée. Je vous avais promis six nouveautés ce soir, ben la voici, la sixième et dernière donc de la soirée, avec un groupe, le nom va dire quelque chose aux plus anciens d'entre vous, c'est le nouvel album de Alcatraz. Et oui, Alcatraz existe encore. Donc Alcatraz, petit souvenir, c'est le groupe que Graham Bonnet avait fondé en 83, quand peu de temps après avoir été éjecté de MSG. Et du coup, il avait voulu refonder une sorte de Rainbow Bis. Et il avait réussi à dégoter un guitariste qui a fait parler de lui par la suite, Yngwie Malmsteen. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs qu'Alcatraz est quelque part resté célèbre, parce que sinon sa discographie, qui a été assez pauvre puisqu'il y a eu que trois albums, dont un seul avec Yngwie Malmsteen, dont un live mythique aussi. Ensuite, Steve Vai a joué sur le deuxième album. Seulement voilà, album quasiment mort-né, puisque peu de temps après, Steve Vai était débauché par David Lee Roth. Et c'est clair que entre David Lee Roth et tous les moyens qu'il avait et Graham Bonnet, bon, le choix a été vite fait. Et après, Alcatraz a sombré dans l'oubli. Enfin, Graham Bonnet, lui, a continué son petit bonhomme de chemin toutes ces dernières années. Et là, il s'est décidé à reformer un nouveau Alcatraz. Et de sortir un nouvel album, donc le quatrième, le dernier date quand même de 1986. Alors on ne change pas une recette qui gagne, hein. À écouter cet album, on aurait pu croire que c'est un album qui avait été enregistré juste après Dangerous Games, le dernier en 86, et qui était resté les oubliettes. Tout est là, hein, le son de guitare, etc. Et il a réussi à se dégoter un guitariste aussi typique années 80, donc ce qu'on appelle un shredder. Et aussi... peut-être cet album un peu testament pour Graham Bonnet, j'en sais rien, il faut dire que le bougre a quand même 72 ans. Et aussi tous les guitaristes importants quasiment qui ont participé à sa carrière ont donné soit de la guitare ou composé. Bah, Dario Molo a joué dessus, Chris Impiliteri, même Steve Vai a composé un morceau pour cet album. Et sinon le guitariste Joe Stump, bah, croyez-moi, il assure. Donc cet album s'appelle Born Innocent. Et le morceau de ce soir s'appelle Polar Bear. Et croyez-moi, quand vous allez entendre ça, vous allez vous croire dans les années 80. We'll be right back. MSG, The Michael Schenker Group avec Searching for Reasons featuring Graham Bonnet, extrait de l'album Assault Attack sorti en 1982. Bah, on peut voir que la voix n'a quasiment pas bougé, hein, ça c'est clair. Extrait donc de l'album Assault Attack, comme je disais, sorti en 1982, et Assault Attack aussi, c'était une des nombreuses productions de Martin Birch, légendaire producteur, qui nous a quittés là, il n'y a pas longtemps, le 20 août dernier, je crois bien, voilà, un hommage. Et donc, juste avant MSG, c'était donc Alcatraz, avec son nouvel album Born Innocent, et le morceau Polar Bear. Il est presque 21h30, est-ce qu'on se dit au revoir? Allons, comme c'est la première, vous avez mérité quand même un petit titre en plus quand même. Bon oui, quand même, allez. Allez, pour se dire au revoir, on va revenir à Pearl Jam et Gigaton et on va se faire un petit Never Destination. Never Destination de Pearl Jam. Voilà, donc c'est le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Merci d'avoir une fois de plus d'avoir été à l'écoute d'Electric Shock. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, bien sûr. D'ici là, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Bien sûr. À la semaine prochaine. Salut à tous.